Voici votre bulletin régional. Invitation à tous pour visiter le terrain du projet de l'éco-hameau Chartierville à 10h30 le 12 juillet. Rendez-vous au bureau municipal. Dîner au pavillon des loisirs pour discussion, partage d'idées. Apportez vos lunchs ou passez au resto dépanneur, Lescaut.